Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Untamneti dubatalis, ne untamne case itame cardu. Untamneti dubatalis, ne untamne case itame cardu. Prenez. Low. Low. Donnez-moi les lunettes. Mane chasma apo. Mane chasma apo. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Kalam cover upar rakho. Kalam cover upar rakho. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Galas faravo ane kater lou. Galas faravo ane kater lou.